listening to Suppression here on CHRY 105.5 FM. Turn that down a little bit. Today is Halloween, so I'm going to have some Halloween-themed songs for you. Very spooky. Actually, I should have started off the show saying, hello, boys and girls. But I didn't. So let's just pretend I did. It's going to be a great show. Some spooky songs for you and some French language punk rock, ska, and hardcore. Spooky, which is spooky in itself. I won't lie. But that's what it's going to be for the next hour. So stay tuned. Halloween special here on Suppression on CHRY 105.5 FM. Salut tout le monde, vous écoutez Suppression, zone de CHRY 105.5 FM ici à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge, je vais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et comme c'est le temps de l'Halloween, je vais jouer des chansons avec des thèmes sombres, des thèmes d'Halloween qui rentrent un peu dans l'esprit de la saison. Alors, c'est ça. Ça va être une excellente émission, je vous encourage très fortement d'écouter, ça sera une excellente émission du punk rock, du hardcore, avec un côté un peu plus macabre cette semaine. Alors écoutez, on écoute un peu de les Misfits, on peut pas vraiment penser du punk rock et de l'Halloween sans penser des Misfits. Alors c'est ça, mais je continue en musique avec un groupe français. Bandane métallique de leur album Sex, Blood and Gore and Roll, la chanson 666% Gore and Roll ici à Suppression. We'll be right back. bravo. I'm Jennifer Foster, and you're listening to CHRY 105.5 FM. Salut tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression, aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto, et le CVR 103.5 à Yellowknife. On vient d'écouter, dans une seconde, je vais prendre ma feuille de papier, on vient d'écouter Salle Gauloise avec la chanson Punk Gore and Roll de leur album. C'est enregistré live, ça s'appelle Live dans la fosse aux douleurs, ça rentre un peu dans le thème de l'Halloween cette semaine. Avant ça, c'était The Brains avec Après cette nuit de leur album Zombie Nation, le groupe montréalais qui a sorti leur album peut-être un an ou deux là. Défaillance avant ça avec Mort Vivante tiré de l'album du même titre, Cochise avec Zombie de leur album Dans le meilleur des mondes, et on a commencé l'émission avec Banane Métallique, la chanson 666% Gore and Roll de l'album Sex, Drugs, Gore and Roll. Alors, si vous n'avez pas encore réalisé, on fait une émission thème de l'Halloween cette semaine, alors des chansons avec un caractère un peu plus sombre et macabre, et avec des chansons portant sur des thèmes comme les zombies et des choses semblables. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, fin de semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Vous avez passé un Halloween très sain et sauf si vous fêtez l'Halloween, j'espère que oui, parce que c'est pas de mes affaires, une façon d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien dans ma vie, mais j'espère que vous trouvez une façon de vous amuser pendant la saison d'Halloween. Mais sans trop tarder, là, je continue en musique. Vous n'êtes pas ici pour m'entendre jaser. Je vais jouer une chanson par les Cameroun de leur album Toujours ça de gagner. Voici Ici repose. Alors, une vieille chanson sortie en 1985. Les Cameroun ici à Sous Pression. Oof!

Salut tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Et ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais jouer du punk, du Skies Hardcore, tout en français, sauf cette semaine, comme c'est la semaine d'Halloween. On fait un petit thème sur l'Halloween, alors des chansons avec un petit côté macabre ou un peu plus sombre que d'habitude. Dans le dernier bloc, on a écouté du Banlieue Rouge avec Non-Retour, retiré de leur album Sous un ciel écarlate. Caméra Silence avant ça avec Suicide, Berrure Noire, la chanson J'ai peur de leur album Macadam Massacre. Cet album-là, Macadam Massacre, si vous l'avez écouté et si vous avez entendu du matériel de Berrure Noire un peu plus tard dans leur carrière, vous allez voir que c'est un album beaucoup plus sombre, disons que Berrure a un peu changé dans les années. L'album Macadam Massacre, excellent album, là, je pense que ça rentrait un peu dans le thème de l'Halloween. En plus, la chanson s'appelle J'ai peur. Avant ça, c'était les Olive Einstein avec Euthanasie, et on a commencé le bloc avec les Cameron ou les Cameronaises avec la chanson Ici repose de leur album Toujours ça de gagner. Alors, on est à moitié chemin de l'émission, là. Chaque semaine, à ce temps-ci, je vous rappelle que l'émission a un site web, vous pouvez écouter l'émission en ligne, n'importe quand et à partir de n'importe où. C'est l'adresse du site web, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Alors, allez voir ça, vous pouvez écouter l'émission. Je mets aussi la ligne des. Je mets aussi en ligne la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Alors, si vous voulez plus d'informations sur les chansons, allez voir, visiter le site web. On est aussi sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Je mets des informations concernant l'émission et aussi des liens vers des sites web intéressants qui ont rapport au monde du punk, Sky du hardcore francophone. Ne m'inquiétez-vous pas, j'en mets pas trop. Si vous êtes sur Facebook, votre page Facebook ne sera pas inondée d'informations de sous-pression. Et aussi, si vous voulez me contacter par courriel, sous-pression@chry.fm. C'est le sous-pression@chry.fm. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires ou même des plaintes, vous pouvez me contacter. Même si vous faites partie d'un groupe, vous pouvez me contacter. Comme par exemple, il y a un groupe qui m'a contacté la semaine passée, un excellent groupe que je connais depuis longtemps, le groupe Attentat Sonore. J'en ai jamais fait jouer en émission parce que je n'ai pas, j'avais tout simplement pas de matériel d'Attentat Sonore. Ils m'ont contacté, m'ont présenté le groupe, m'ont dit si je serais intéressé à les faire jouer. Puis c'est certain, j'adore Attentat Sonore, ça fait depuis longtemps que je les connais et que je les écoute en ligne. Parce que j'avais une compilation à un moment donné avec une de leurs chansons, mais je l'ai perdue quand je suis déménagé à Toronto. En tout cas, longue histoire, ça vaut pas la peine d'en parler. Et j'avais l'intention d'en faire jouer cette semaine, par contre, j'attends la semaine prochaine parce que je fais un peu le thème de l'Halloween cette semaine et j'ai pas pu m'appoigner une de leurs chansons que j'ai. Je pense qu'il rentre un peu dans le thème. Alors, mais en tout cas, allez voir ça, allez voir Attentat Sonore, faites une petite recherche sur l'Internet. Il y a une couple de chansons sur leur site web que vous pouvez écouter à partir de leur site web, ça vaut la peine d'écouter. C'est un excellent groupe. De Limoges, en France. Alors, sans trop tarder, je continue en musique maintenant avec un groupe canadien, un groupe... on est originaire de Gatineau, de la région de la capitale nationale, mais je pense qu'ils se sont déplacés à Montréal. Je ne sais pas s'ils existent. En tout cas, le groupe s'appelle Oscar B. Leur album s'appelle La mort aux trousses. Je vais faire jouer la chanson, la sixième chanson de l'album s'appelle Le bal des morts. Alors, on continue avec le thème de l'Halloween ici à Sous Pression. We'll be right back.

décide d'affronter ceux qui sont cachés, cette gang de dépravés. Je vais leur faire payer toute cette angoisse qu'ils m'ont causée. Ils vont sûrement regretter d'avoir existé. les pierres tombent pas. Les arbres semblaient méchants, les branches nous faisaient mal. On voulait bien se faire croire que c'était juste des histoires. J'avais la chair de poule. La nuit était passée, les fantômes étaient vrais. Dans cette balade au cimetière où tout nous effrayait. Cabané arbré, nous sommes entrés. C'était le repère du tueur avec son arsenal. Une belle couverte de sang était appuyée contre les restes humains, les triptyques par le phalas. Nous avons pris la fuite sans même nous rendre compte que l'on ne suivait pas sa part. Je n'ai jamais osé me retourner pour regarder. Mais croyez-moi, je vous jure, c'était le fantôme du cimetière. Alaska avec la balade au cimetière, c'est sous pression. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Halloween, l'émission thème d'Halloween. Avant Alaska, on écoutait l'escalope avec les petits monstres, Secrétaire Volante avant ça avec Frankenstein PQ de leur album Thermoplastique, les marmottes aplaties avant ça avec les monstres. Précédé par les prostituées et la chanson Je suis un teenage zombie de Louder Space Baby. Les Wampas avant ça avec Ballroom Blitz de leur album Tutti Frutti, sorti en 85. Et on a commencé le bloc avec Oscar B de leur album La Mort aux Trousses. La chanson était Le Bal des Morts. Alors, il nous reste environ 5 minutes ensemble. J'ai le temps de faire jouer une ou deux dernières chansons. J'espère que vous avez bien aimé l'émission d'Halloween. J'espère que vous allez bien vous porter pendant la fête, pendant la semaine d'Halloween. Vous allez vous amuser à faire vous habiller dans des costumes. Et c'est ça. Alors, j'ai pas grand-chose à dire, c'est pas évident. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous laisse maintenant avec une chanson par Zabriskie Point, la chanson Fantôme, bien sûr. C'est, je pense, une de mes chansons préférées du groupe. Alors, je suis content de pouvoir avoir la chance de la faire jouer. Et c'est ça, allez voir le site web de l'émission www.souspression.wordpress.com et on se revoit la semaine prochaine. Alors, en attendant, voici Zabriskie Point avec Fantôme. fait.